بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم من الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على أهل الحق والسنة. الشيخ عبيد هداه الله إلى رنتر في الفتنة، لها في جمال جدا، ما يسيب خيئة يكون للنبو الشيخ يحيى. إلى لو لردود إلى ريبوندو مسألة الجامعة ونا فيه كستيل فوندي سوغ الرفق وعلم، لكن نسأل الله العافية. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On avait dit dans le dernier dars on avait fini les contradictions de Cheikh Ubayd al-Jabiri, laquelle on a retrouvé un ou deux points, et on va citer aujourd'hui inshallah ta'ala. قال الشيخ عبيد هداه الله. On va citer une contradiction par rapport à son tahdir min dammaj. Vous vous rappelez son kalam? كما أحذر من الوفود على مركز دماج حتى يعود إلى ما كان أسسه عليه الشيخ مقبل رحمه الله. هكذا il a mis en garde contre دماج. Il y en a pour lui, il y a des égarements et t'as plus le droit d'aller. حتى le مركز redevient comme il était à l'époque de الشيخ مقبل. هذا كلام. On a vu أنه il s'est contredit quand il a dit le مركز il est à la sunna. Toutes ces contradictions. Et aujourd'hui une autre contradiction. Annahu il met en garde contre Dammaj, il y en a Dammaj, ça a changé. Et quand ils lui ont demandé pour Al-Azhar, cette jami'a qui appelle Al-Bid'a, aucun sunni a de doute à la hada, fima adhan, c'est une jami'a qui a été fondée sur le Bid'a, min awwal yawm. Comment l'an il met en garde contre Dammaj, et quand il lui demande Al-Azhar, il autorise? Là, c'est pas min al-Nasiha, abadan. Su'ila. أي الشيخ عبيد، نريد أن نعرف ما رأيكم في الالتحاق بجامعة الأزهر، علما بأننا نريد منهم إلا تصديق الدراسة للحصول على الإقامة، ولكن يلزموننا بقليل الحضور، فما نصيحتكم؟ Question qu'ils lui ont posé. أي des personnes qui veulent venir en Égypte لكن pour avoir l'Iqama. وهذا سمعروف سمعلو. Il leur impose de s'inscrire dans des écoles, des madaris rasmiya, des écoles qui sont connues عند الدولة. Et il lui demande, est-ce qu'on peut s'inscrire ولو قليل, et on assiste un peu pour avoir l'iqam. فما نصيحتكم؟ قال فأجاب يا بني فهمت أنك لست مصريا. نعم واضح أن la question tu comprends que c'est pas un égyptien لأنه il veut venir. قال ثانيا الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. شوف على جواب. إني أقعد من خدمات. أنا إذا بلا السنة. إلّا سيهوا. إلّا بنو. إلّا سي. لكن الهوى والحقد والحسد الفتنة. ثم كنت أقول الأزهر سينجامع لكل. لكل عندما. Elle n'est pas connue عند أهل السنة pour être à la surat al-mustaqim. Abatan. Allah est connu pour le bid'a. Tu demandes à n'importe quel salafi, hatta des débutants, qui connaît mit l'hadi l'humour. Quand ça parle d'Azhar, ils savent que c'est une jami'a ikhwaniya, soufiya, l'aqida, c'est l'aqida l'asha'ira. Bel, elle a été fondée par al-Rawafid. C'est une jami'a, elle a été fondée par al-Rawafid. Quand al-Rawafid était à Misr, ils ont fondé cette jami'a. Comment elle est passée entre les mains de soufiya, entre les mains d'ikhwan, la sha'ira, et l'akhira. Elle n'a jamais été à la sunnah, min ba'ida ou min qarib, abadun. Et il en parle comme si c'était une jami'a, elle est connue là. Mais pas nous qu'un jeune il écoute mit l'adal kalam. Al jami'a al-azhar min al jami'at al-islamiyya al-qadim al-ariqa al-mu'tarafi ala mustawa al-alam. Al-islam, elle est connue dans le monde musulman. Elle est connue pour dhalal ou l'inhiraf. Et le nasiha c'est de ne pas conseiller d'aller là-bas. Ah, mais voilà un jour. Voilà un jour. Cette personne, elle veut venir pour avoir l'iqama, tayyib. Il veut venir en Égypte, c'est pour avancer dans son dîn. Une semaine à l'Azhar, ou un jour, ou une heure, il peut s'égarer. Wallah, il peut avoir des choubas, il ne sort plus. Il dit c'est ha'oula qui sont à la haq. Khasatan les débutants masakis. Et salaf, ils ne conseillaient pas d'étudier inda ahl al-bid'ah. Abadan. Les salaf, ils n'écoutaient pas le Coran. Un verset du Coran, ils n'écoutaient pas d'un mubtadi'. Ma balouk s'asseoir avec ha'oula. Qui c'est qui nous garantit le cœur de ce talib? Il nous dit ce talib il va rester à la sunnah, il va prendre l'iqama et il va aller étudier inda ahl sunnah. Qui c'est qui nous garantit hada? Et qui c'est qui lui impose hada? Tu peux pas, viens pas à Misr. Allez, hada nasiha al-ikhwan, ils ont cette chouba, il veut aller dans un pays, que ce soit l'Egypte ou autre, et il passe par le mubtadi'a. Bel ba'doum, il étudie un peu chez eux et après, ya akhi taqillah, préserve ton dit. Allah il t'a pas imposé hada. Allah عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. Allah سبحانه وتعالى il t'a interdit à recourir الى الظلمة الى الظلال. Ça soit l'Azhar ou autre. Tu peux pas rester chez toi. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Tu peux pas apprendre l'arabe, reste sans arabe. Si tu fais des efforts et tu trouves que personne ne peut t'apprendre, tu n'as pas les moyens pour apprendre عند اهل الحق, laisse. Celui qui délaisse une chose, l'Allah عز وجل, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Ça viendra. ومن يتوكل على الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Elle m'a autorisé les gens à faire inhiraf, dalal, pour une chose soi-disant mashru'a, c'est pas min tariqat al-rusul ou min tariqat al-salaf. Abadan. Ben le salaf, il mettait en garde contre mujalasat ahli al-ahwa. Jiddan, comme on l'a vu plusieurs fois. Thumma qal, thalithan, troisièmement. La réponse elle est claire, لكن اولا ثانيا ثالثا. Pourquoi ما ندري. La réponse elle est claire عند اهل السنه. Les écoles d'اهل البدعه, il faut pas y aller. Et tu appuies avec un verset du Coran Karim, ولا تركنوا الى الذين ظلموا. Tu appuies avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مثل الصالح وجال السوء. كذا يقول عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. Ton dîn est par rapport à tes fréquentations. انتبه. أما أولا ثانيا ثالثا يا أكن فإذا رفعت بيالي. قال ثالثا ذكرت أنهم لا يلزمونك بالحضور الكلي. أي شو كابوس الأسئلة اللي قال لي ينوز أبوس با دو أسيستي ا تو لي كور لكن او موان دو تانز ان تان بور فير كروار كون اي دانس تو جاميعا اي ابخي اون اليقاما او با. قال وإنما يلزمونك بالقليل من الحضور فلا أرى مانعا من ذلك. اي سو قليل سا فيان دو يان دليل. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de fréquenter le batil un peu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé, as-salaf? Là, il faut des adillah. Qul hadu burhanakum kuntum sadiqin. Al-fatwa doit être fondée sur adillah. Wa innama yulzimunaka bil qalil. Et on a cité des adillah nahu kathir ou qalil. Tu t'écartes et tu préserves ton cœur. Qala fala ara mani'an min dhalik. Ta'amal qawluhu fala ara. Nous, en fait, on ne veut pas ton ra'i. On veut kitab ou sunnah. Mais la ara, c'est un autre, il va voir qu'il y a un mani'. Quran, sunnah, wa manhaj al-salaf, ça nous démontre qu'il y a un danger pour le talib. Wallah le muwaffiq. Sallallahu alayhi wa sallam al-jami'a. Hada. Il met en garde contre Dammaj, Natahaddah, qui démontre que Dammaj, ils enseignent. Ah oui, ils enseignaient quand on était à Dammaj, maintenant qu'on est à Sana'a, que le shir de Dammaj, shir Yahya, ou les professeurs, ou les élèves, ils enseignent, aqidat, ou ils étudient aqidat al-ash'ari. Sofiya kadhalik fil azhar. Tahaddah qui montre qu'il y a Dammaj hada. Comme, mudarris il est en pantalon. Ma'arouf al-azhar. des frères qu'ils ont été et nous avaient raconté. Tata'atjab, c'est rare, tu vois, واحد على السنه اما العقيده والمنهج معروف هذا. Wallah, on ne pensait pas un jour que tu es obligé d'expliquer l'égarement de l'Azhar. Tellement que c'est wadih. Lakin qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Qala sahib al-nujum al-zahira fi muluk Misr wal-Qahira. C'est un livre d'histoire sur l'Égypte. Yaqul sahibu, on a cité hada pour démontrer c'est quoi cette jami' al-Azhar, c'est fondé sur quoi. Qala thumma fi shahr Rabi' al-akhir sanat 59 wa 300. 359 de l'Égypte en l'année 359. Il y a plus d'un siècle. Adanou bi Misr bi hayy ala khayr al-amal. Cette année, ils ont commencé à Misr de faire l'adan al-rawafid, adan al-shi'a. Ils ont rajouté hayy ala khayr al-amal. Lanna al-rawafid tamakkanu huna. Qal wa istamarra dhalik. Thumma shara'a jawhar kanahu jawhar. في بناء جامعة القاهرة المعروف بجامع الأزهر وهو أول جامع بنته الرافضة بمصر. La première université qu'ils ont fondée en Misr, c'est جامع الأزهر. Et est-ce que c'est sorti de l'bid'a? Là, c'est passé de bid'a إلى bid'a. De ظلمات إلى ظلمات. De الرفض إلى الصوفية إلى إخوان الأشاعرة. أما السنة أبدا. Ça ne veut pas dire que tous les professeurs, tous les élèves, ce n'est pas des Al-Sunnah. Là, il y a des Al-Mudarrisin, des Al-Ulama, ils sont passés par là-bas, que Cheikh Khalil Harras ou Ghayri, Rahmatullah Ali. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, Abedin. Et nous, la question qu'ils lui ont posée, est-ce qu'il a dit tu vas à Inde Fulan? Abedin. Il a dit tu y vas, Khalil. Chez qui? Allah. Hada tanaqud wadih. Et hakada celui qui délaisse le haq. Celui qui combat le haq, yubtala bimitha hada al-kalam. Allah Ubayd Jabiri, abadan, à l'époque il aurait dit ce kalam, abadan, abadan, il mettait en garde contre des gens, ils sont beaucoup plus proches de l'haq que haoula, l'azhar. Lakin, quand tu combats l'haq, man aada li waliyan, faqad aadantuhu bilhaq. Al-an, le fatwa n'est pas mazbouta, abadan. Wa qal, kadalik, un autre tanaqud, et c'est un tanaqud wadih, kadalik, il met en garde contre Dammaj, et après sa mise en garde, il conseille de faire le hijra à Birmingham. Bilad Kufr, Bilad Yahoud ou Nassar. Mais on garde contre une école, elle a été fondée à la Sunna. Et jusqu'à aujourd'hui, Walillahi Alhamd, quand on a quitté, et jusqu'à aujourd'hui, il fait Sana'a, Aïchiriya et ses élèves, ils sont à la Sunna. Mais là, ils mettent en garde. Ils sont aval min haoula. Et en même temps, quand ils lui posent la question au Birmingham, ils se mettent à Yahoud. Qala, Ya Ahl Europa. Ah, il parle aux gens musulmans qui vivent en Europe. Man arada minkum al-hijra falyuhajir ila Birmingham. Birmingham, une ville, elle est connue en Angleterre. Qala fa innaha wallahi dar hijra. En même temps, il met en garde Dammaj, il faut sortir de Dammaj. Tu peux aller à Birmingham, bilad al-Nasara. Des frères anglais, ils nous ont rapporté. Kama dakara al-Sheikh wa hatta marra, directement on a parlé ma'a wahid. Et il nous a cité, na'oudou billah. Birmingham, c'est une ville d'à peu près 1 million d'habitants, c'est une grosse ville. Ma balouk, une ville d'1 million d'habitants, عند الكفار, l'Angleterre. Ma balouk. Des églises, du khamr, zina, les wat, ma'rouf, ville de kufr, c'est connu. Pourquoi Birmingham, elle va se différencier des autres villes? Cette école, il y a une école qui est avec Cheikh Ubaid, faqat. Allez, il faut faire la hijra huna. Wallah, il verrait certains quartiers de France, mais Adri, qu'est-ce qu'il va dire? Wallah, il dirait c'est dar l'islam au sunna. Il dirait certains des villes qui en France, des quartiers d'Alamoun, Masjid, il y a des musulmans, il verrait ça, c'est d'adjib. Lakin là, il y a un khatar. Al-an, Birmingham, ils font où leurs papiers, l'administration? L'hôpital, il va où? Ses enfants, ils sont à l'abri. Il n'y a pas de kuffar, khalas, ils sont abatan. Wallah, il est vie. C'est un khatar adib. Cette nasiha, wallah, elle n'est pas à sa place. Abatan. Al-an, pourquoi ils ne conseillent pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Jazeera, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Indonésie, et l'Akhiri? Il n'y a pas de pays, il y a ça. Quand il y a un cas, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils ont fait l'Hijra à l'Habasha. Non, ils ont fait l'Hijra à l'Habasha, il n'y avait pas d'art islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca, Fidhaïr, il le combattait. Et Sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a conseillé d'aller là-bas. Il y en a, c'était dur l'épreuve. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra à Medina, et Medina c'est devenu dar islam, ils sont tous revenus à Medina. Hada. Ce dalil n'est pas à sa place. Et le Habasha, Sahaba, quand ils ont fait le hijra, le Malik les a accueillis. Najashi. Al-Najashi est devenu musulman. Et ils étaient préservés. À Birmingham, c'est des kafaras. Ils vont combattre Ha'ula sans qu'ils s'en rendent compte. Mais regarde contre Dammaj, il autorise Al Azhar et il jure que Birmingham a dit c'est Dar Hijra. Na'oudou billah. قال انظر فرد الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى الى الرد على هذه المساله لا هجره برمنغهام في رسالته ياخذ العبره من عجائب ما نشر عن عبيد الجابري عيد دوتوريزي فيغ لا هجره برمنغهام تناقض واضح الخلاصه من de toutes ces مسائل qu'on a vu les contradictions de Cheikh Ubayd كما قال الاخ محمد العمودي وفقه الله في البيان الامين il a rapporté une parole et ça va vous éclaircir pourquoi Cheikh Ubayd est rentré dans la fitna. Qala akhbarani Yasin al-Adani min ru'us hadi al-hizbiyya. C'est un munharif en dhal. Yasin al-Adani, il est à Dammaj et il fait partie, c'est lui, t'as de couronne. Quand Cheikh Yahya est tombé malade, il est à Dammaj. Et Cheikh Yahya est tombé malade marra et ils l'ont informé, il était dans le maktaba, ils lui ont dit Yasin, Cheikh Yahya est malade. Il a dit Allah yushfiyya. Il n'a pas dit yashfih, bil fath, il a dit bil dham. Wa yushfih, c'est bimana yuhliku. C'est bien معناه الهلاك في هذا الخبيث قال الى ديا محمد العمودي ان عبيدا الجابري يبغي الشيخ يحيى ça c'est avant la fitna الان تي ا peu près en 1426 1427 et Cheikh Ubayd est rentré dans la fitna en 1429 الان هذا c'est après la visite de Cheikh Ubayd à Dammaj quand il est venu à peu près en 1426 Tomba 1427, la fitna a commencé. Tomba 1428, 1429, Cheikh Ubayd il est rentré. Donc 1426, Yaqul Yasin al-Adani, c'est lui qui rapporte. Lui-même il est tombé dans la fitna. Yaqul Ubayd al-Jabri yubghi Cheikh Yahya. Wa min bughdihi la, aba an yajlis indahu wa law sa'a. Na'am. Quand il est venu, Yasin al-Adani montre, il dit la preuve qu'il déteste Cheikh Yahya, quand il est venu à Dammaj, il est resté qu'une heure. Sahih entre Dhuhr et l'Asr. Même Cheikh Yahya avait été étonné. La visite, on lui a proposé de s'asseoir, kalam. Natana Akash, la visite s'est faite pour ça. Une heure, il est parti. Haqiqa hada, l'an tassir, anna al-rajul, yubghid Cheikh Yahya, ça fait longtemps. Et il a pris mas'alat al-jami'a pour essayer de faire tomber Cheikh Yahya wa hayhat. Qala, wa min bughdihi lah, aba an yajlis indahu wa law sa'a, akhbarani bidhalik, wallahu thalithuna. Naam. Mohamed Al-Amoudi, wafakahullah, il démontre à Nahou, il l'a informé, il l'a entendu, ils étaient que les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il yasma. Naam, hada, hada alladhi aradna. Wa illa taqaddam kalam al-shaykh, hafidha Allah, vidayat fitna, fima yata'alak bil-jami'a. Vous rappelez la parole au départ, il n'y avait pas lieu d'avoir tout ça, le haqib. Lakin, chauffe l'an où ça l'a poussé. Kalam, il n'est pas madmoud. Et on n'a pas sorti toutes les erreurs. Allez voir sahir pour enlever le sihr. Les intikhabat, l'ikhtilat, la musique. Hatta Wahid lui a demandé, Manchour Ma'rouf, Anna lui a demandé à l'école, il y a un cours de musique, est-ce qu'il peut y aller? Il lui a dit si c'est une daroura. Quelle daroura? Quelle daroura d'aller à l'école, Aslam? Il n'y a aucune daroura à l'école, s'il y a de la mixité, il y a des choses qui sont haram, tu n'y vas pas, faqat. Tu travailles, tu vas dans la marquise, tu apprends sunnah. Il lui a démontré si c'est une daroura, c'est une daroura pour toi, tu assistes à ce cours de musique. Hatta la musique. Quelle daroura? Tout ça. الحقيقة الشيخ يحيى في البداية ونبينا إحنا أنه تكلم برفق. parlé برفق. les redoutes au départ. vous rappelez sur le jamia l'islamia. والرجل الشيخ عبيد يبغى كل فتنة. إلى سلطي إلى كذا. حتى أنا trouvé une parole de الشيخ محمد رمضان الهاجري وفقه الله. au départ la fitna quand الشيخ يحيى a répondu à الشيخ عبيد اسمع. il a dit une صاف. حفظه الله وفقه لكل خير. أنه il a vu que الشيخ يحيى a parlé بأدب. قال لقد وفق الشيخ يحيى الحجوري في حواره مع الشيخ عبيد وفقهم الله اجمعين il essaye هو de calmer la fitna et il dit ان الشيخ يحيى وفق الله لا وفق انه il a répondu bref قال فالجميع لا يزكيه على الاطلاق ولا يقدح فيها على الاطلاق اي الجامعة il admet il dit الجميع personne dit qu'elle est à la sunna complètement ou à la hizbiyya complètement الجميع ça englobe الشيخ يحيى قال فالجميع لا يزكي على الإطلاق ولا يقدح فيها على الإطلاق إنما الكلام على وجه التفصيل كما قال الشيخ يحيى قال وإلا فهي تستقبل الغث والسمين أي الجامعة أكسبت لو بون و لو موفي elle peut accepter un sunni elle peut accepter un mubtadi حتى هو il le reconnaît هذا فأين الضرر dans le كلام de الشيخ يحيى قال وفيها الجيد والردي quelque chose de radi c'est de mauvais فالجامعة يا جيد des frères ما شاء الله des مدرس ما شاء الله أي هنا ils sont mauvais معروف هذا قال ولا يخفى هذا على الجميع أي personne ne nie هذا فلماذا شيخ عبيد il a reproché à الشيخ يحيى أيش المقصود إلا la parole de Yassine Adani أنه يبغي الشيخ يحيى من قبل قال إلى آخره ثم نعم ثم قال نعم وآمل أن لا تكون هذه المسألة قضية وبداية فتنة الشيخ محمد رمزان il a vu il a su que ça pouvait amener une fitna et il a dit on espère que cette مسألة ça va pas poser une fitna لكن ça a posé une fitna قدر الله ما شاء فعل et نحن cette étude qu'on a fait en résumé c'était pour démontrer أن le fautif c'est الشيخ عبيد Et avec le tertib qu'on a fait, Inch'Allah, c'est واضح. Naqala kalam Sheikh Mohamed Ramzan, Sheikh Hassan al-Qasim al-Raymi, dans une risala qu'il a écrit. Wa ams, ou qabla ams, aujourd'hui on est yom al-sabt, yom al-khamis, Sheikh Ubay dans son dars, fi sharhi ala fadl al-islam, qal, il y a trois jours, pour vous montrer, anna ma nadri ishuri. On est sorti de Dammaj, Sheikh Yahya, il parle plus de cette fitna, wallahi alhamd, on est passé à autre chose. لكن اسمع الكلام كلام طعن وحقد وحسد تصال لا ندري لماذا لأن الشيخ يحيى له دعوة صنعاء والحمد لله لا دعوة se propage encore plus on le voit لأن les moyens c'est plus les mêmes ولله الحمد ولو دماج c'était le مركز que on aimait on voulait pas sortir لكن قدر الله وشاء لكن يجو خير في الخروج يجو خير في الخروج وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ايسي هو هذا انظر شرح فضل الإسلام الشرح فضل الإسلام معروف لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لبيان في الإسلام اسمع على كلام كيف يجب في الشرح ساسا في ثلاثة جو يقول ويقول آخر إذن شيخ يحيى أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق يغسر هذه المسألة لو كن لابو انتهت لكن إلا غسر لأنه يفو quelque chose dès qu'il trouve quelque chose Pour lui, ça peut appeler un ta'am de Sheikh Yahya, il prend cette force. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam ma fi soudour. Qala, hadha huwa qawl al-hajouri, al-makhdoul, Iblis al-Yaman. Donc, voilà, wasf. Iblis al-Yaman. Aïna Abdel Malik al-Houthi, aïna Tussidullah al-Rawafid, Ba'diyya, dans le sud, Ishtirakiya, des communistes, des gens au Yémen, qu'ils appellent la démocratie, aïna hum. Iblis al-Yaman. قال نحن لا نقول اليمن كلهم أبالسة الحمد لله أما سسخين طامة هذه قال لكن هو إبليسهم نعم je comprends من إبليسهم إبليس تعلمون c'est le nom il incarne le char quand tu dis إبليس c'est pour dire le char أي الشر du يمن c'est شيخ يحيى قال شيطانهم الذي أضله الله وخذله وخذل بسببه المركز الآن il va parler comme quoi on est sorti c'est à cause de شيخ يحيى لماذا tu fais pas un rad ceux qui n'ont pas fait le jihad, qui n'ont pas appelé au jihad? بعض الناس ils ont eu un khudlan واضح, ils ont pas appelé au jihad, ils le savent quoi. لكن là, c'est Sheikh Yahya. Il a perdu son enfant, un de ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu son frère, il a perdu des centaines de tolab, malgré ça c'est lui. وخذل بسببه المركز. مركز Sheikh Muqbil, مركز دماج. نعم, الآن pas besoin de pleurer à la مركز دماج. Tu l'as combattu, était une des causes. Al-Rawafid, quand ils ont vu qu'Ahl al-Sunnah était divisé, ils en ont profité. C'était une des causes. Amal-An pleurait sur Dammaj, là. Allah, y a, après Sheikh Muqbil, celui qui a fait le plus d'efforts pour marquer ce Dammaj, c'est Sheikh Yahya. Vous le voulez ou non? C'est Hakada. Qala dha'a bi sababihi zamanan, shurrida al-nas, wa ub'idu illa man sha'a Allah. Limada? Li'annahu lam yakun ala maslak shaykhi. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqi. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين دماج لهم كوماتيو لأن الدماج سي على حق إذا تي على حق الله سبحانه وتعالى سنة الله في خلقه أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين et vu que Sheikh Yahya il suit الأنبياء il est à la sunna et ses élèves كذلك ils ont été combattus par أعداء الله الروافض c'est ça فقط أما croire qu'ils ont combattu parce que Sheikh Yahya allez où la faute des Houthis الآن Pose-toi la question, pourquoi les Houthis ont attaqué Cheikh Yahya Damman? Et là, parce que c'est à la tawhid, à la sunna. Et comme les mashaykh pendant la guerre, ils disaient ça. Maintenant, je vois, à la kalam. Shamata. Ça, shamata. Profite. Il croit qu'il y a une faiblesse et il en profite. وقال تذكرون الحديث ورقة بن نوفل قال اي quand خديجة le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il est venu voir خديجة et elle l'a amené chez son oncle. لأنه il était, il lisait الكتب, il était من أهل الكتاب. Et quand elle lui a raconté, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit والله يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أودي. Chaque personne qui est venue avec ce que tu es venu, اي الرسالة, chaque prophète, tu te feras combattre. Ben, il lui a montré, il lui a dit, j'espère être là le jour où tu te feras sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ils vont me sortir de Mecca. Il lui a dit, na'am. Il y en a sunnat Allah. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de Mecca, il était à la haq. Enfin, se faire sortir de Damas, c'est pas à cause des ma'asi ou des dounous, ou on ne suivait pas le chemin de Cheikh Mokbil. Abadan. Abadan. Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, quand il était à Damas, il n'y avait pas encore le groupe des Houthis. Ça commençait le Makr déjà. Il avait des pressions et tout. Et petit à petit, jusqu'à ils ont combattu Dammaj et Sheikh Dammaj. Allah musta'an. Ce kalam, il n'est pas mazbout. Et ça, c'est celui qui prétend que Sheikh Hayl Salit Lissan, il n'a pas d'adab. Isma. Fadl al-Islam, un sharh pour des débutants, Robama. Robama, il y a des gens, ils ne comprennent pas tout ça. Isma. Iblis, Shaitan, Kadhab, Makhdoul, Nassab. Il a dit des kalams, c'est pas. Lakin, عند Allah, tajtami' al-khusub. Tout ça, il rendra des comptes. Il n'est pas au-dessus des comptes, abadan. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدايه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفضح المبطلين ويعز المحقين اصحاب السنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحيه دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين